Chapitre 4. Tout en déjeunant, en nommant les voisins, en détaillant les costumes des voisines, les nouveautés, l'inédit, le sublimé de la vie parisienne, Geneviève et Raymond en étaient arrivés encore à parler du père d'André, de ce Victor Ribert qu'elle regrettait bien de ne pas voir là, dans cette fête de tous les ans, si cotée, si amusante. Plus amusante que le concours hippique, disait Raymond. Mais il fallait prendre la situation telle que la faisaient les nécessités mêmes de la vie. Le cousin Victor ne pouvait quitter son bureau. Il avait tout justement à surveiller une expédition pour Buenos Aires, peu importante malheureusement, raison de plus pour la soigner, et il était là-bas, le front sur ses livres. Tandis qu'on parlait de lui, sa fille Andrée revoyait la figure pâle et les yeux fatigués du pauvre homme, et elle cherchait du regard les prunelles songeuses de Geneviève, comme pour y trouver une expression qui la rassura. Elle n'était pas rassurée, Andrée. Émile Guillemard, en se mettant à parler du cousin Victor, ravivait les inquiétudes de la jeune fille pour qui tout ce restaurant disparaissait, et qui n'avait plus devant elle que le rez-de-chaussée froid de la maison de la rue de Châteaudun, là-bas. « Victor travaille trop », répétait tout justement le banquier. Exactement comme l'avait dit Madame Ribert tout à l'heure. Et puis, la commission, c'est un commerce qui s'en va depuis l'invention des chemins de fer. Qu'est-ce que vous voulez que des étrangers aient recours maintenant à des commissionnaires pour acheter leurs marchandises, quand il leur est si facile de venir les acheter eux-mêmes et de profiter du voyage pour voir Paris ? Fit-il en s'arrêtant devant sa fille et en désignant d'un signe de tête tout ce monde attablé sous la véranda. « Alors, dit Ribert, tu penses que Victor devrait t'envoyer promener sa maison de commerce pour faire de la bourse et de la banque, comme toi ?»« Ce ne serait pas déjà si bête ?» fit Guillemard en vidant son verre. André cherchait maintenant d'un regard plus inquiet les yeux de sa belle-mère. Mais Geneviève, qui ne mangeait pas, restait là, immobile, écoutant, évidemment, et cependant la pensée en portant ailleurs, toute rêveuse. Avec sa manière de travailler, continuait Guillemard, Victor, qui pourrait être riche comme moi, aura bien de la peine à amasser. De quoi faire bâtir un hôtel dans la plaine Monceau ? Interrompit le peintre. C'est très possible, ça. Mais vois-tu, Émile, le cousin Ribert est comme moi, dans le vieux jeu. Et veux-tu que je te dise ? Tant mieux pour lui. Guillemard se mit à rire très haut, à s'étouffer. Tant mieux pour lui. Tant mieux ? Dit-il. Ah oui, je comprends, je comprends. C'est un philosophe, à ta façon. Je la connais, celle-là. Et comme il paraît que la fortune ne fait pas le... Hé hé hé, dit le peintre. J'aime assez ces gros dictons-là, moi. André et Miss Maud écoutaient Louis, tandis que Geneviève Ribert suivait sa propre pensée, loin, peut-être, et que Mademoiselle Guillemard regardait, à quelques tables de là, un jeune homme fort joli garçon, un peintre connu dont toutes les femmes raffolaient et qui, de son côté, l'examinait avec attention, lui dont on se disputait les portraits, payé très cher, comme une faveur. « Tu es donc heureux, toi, Louis ?»« Moi, heureux ?» disait Louis Ribert, qui trempait sa moustache dans le champagne et regardait son cousin en souriant. « Pourquoi ne le serais-je pas ? C'est mon tempérament. Que veux-tu ? Il y a des gens qui ont besoin de se regarder dans la glace à toute heure en se disant « Je suis millionnaire. » Eh, mon cher, je ne les accuse pas. Bah, ils ont leur tempérament, eux aussi. Je sais parfaitement qu'ils ne peuvent rien de plus que d'autres contre la maladie, la vieillesse, la mort, contre la pluie, s'il pleut, contre la laideur, s'ils sont laids. Et ils le sont souvent, je le reconnais. Je sais bien que l'argent ne peut pas leur donner le talent, l'affection des autres, le courage personnel, pas plus que l'amour, qui passe encore pour avoir du bon. Mademoiselle Raymond, à ce mot, avait écouté. « Quoique l'amour, c'est encore le vieux jeu, si l'on veut. »« Je sais encore, cousin Guillemard, dit Ribert, que 100 000 millions ne retiendront pas dans ta bouche une dent qui doit tomber. »« Je te demande pardon de cette plaisanterie. »« Tandis que tout ce que tu as de plus beau, ta fille, ne t'a rien coûté. » Guillemard se récria, regardant Raymond. « Ma fille ne m'a rien coûté. » dit-il en hochant la tête et en cherchant des yeux Miss Maud, l'institutrice, comme pour la prendre à témoin. « D'ailleurs, continua Louis Ribert, je ne conteste point le bonheur des millionnaires, pourvu qu'ils ne me chicanent pas sur le mien. Car oui, ma foi, oui, conclut le peintre en regardant autour de lui un homme que tout spectacle amuse, même vu du parterre et qui ne tient pas à parader dans l'avant-scène. « 100 fois, oui, je suis heureux. » Puis, changeant de conversation, il dit « Ah ça, Émile, et ton hôtel? Et la crémaillère, Raymond ?»« Ne m'en parle pas, » fit Guillaume. « Toute une affaire. D'abord, l'architecte n'en a pas fini. » Et c'est le tapissier maintenant qui ne finit rien, ajouta Raymond avec une petite moue désagréable, mais très jolie. Ah, il eût été difficile d'empêcher de rire le cousin Louis. Eh bien, tiens, voilà ce que je te disais, reprit-il. Ce n'est pas moi dont les tapissiers et les architectes feront pourrir le sang. Alors, ce ne sera pas pour cette année? Quoi? La crémaillère. Si fait, dit Raymond, dans 15 jours, au plus tard. En mai? Fit Geneviève, qui d'un signe de tête montrait le gai soleil. En mai, tant pis, on aura un peu chaud, mais c'est décidé. L'invitation est chez le graveur. Très jolie l'invitation, sur parchemin, des lettres gothiques, un sceau de cire rouge, une vignette représentant notre escalier. J'aurais voulu un dessin d'Edmond Lacoste, qui est là-bas. Et sa petite tête rousse désignait, à 7 ou 8 tables de là, le joli garçon qui la regardait un monocle à l'œil. Et pourquoi n'avez-vous pas eu un dessin de Lacoste? Dit Geneviève. Je ne le connais pas, je n'ai pas osé. Il gagne de l'argent gros comme lui, ce Lacoste. Demanda Guillemard en cherchant de loin le jeune peintre qui, se sentant regardé, faisait de la main, une main fort jolie, des gestes pleins de grâce en causant avec ses voisins. Le cousin Louis avait pris aussitôt un air d'admiration profonde, trop profonde pour n'être pas ironique. « Lacoste, dit-il. S'il gagne de l'argent, Lacoste. Edmond Lacoste, le peintre du faubourg. Mais il faut s'y prendre 4 mois à l'avance pour avoir son portrait peint par lui. Il a un livre de dates, comme cousinette Raymond a un carnet de balles, et il accorde à ses modèles la 7e valse ou le 20e quadrille. Lacoste. Il a trouvé un moyen excellent de se faire adorer des dames de la gomme et du gratin. Il les peint à la crème, recette infaillible. Flattez les hommes quand vous leur parlez et les femmes quand vous les peignez. Aussi comme elles sont navrées quand Lacoste les fait attendre. Mais, monsieur Lacoste, vous n'y pensez pas. J'aurai le temps de vieillir. C'est à prendre à laisser. Il est implacable, Lacoste. Et s'il ne demande pas une boucle de cheveux à chacun de ses modèles, comme Reynolds, il exige que chaque grande dame, avant d'affronter son chevalet, justifie de quartiers de noblesse authentique. Oh, là-dessus, Lacoste ne transige pas. Né de bonne souche bourgeoise, comme toi et moi, fils d'un brave quincailler ou mercier ou épicier des tempes, je ne sais pas, il n'abaissera jamais son pinceau jusqu'à portraiturer une grande dame de la cotonnade ou une princesse de la banque. Fille donc, des grandes dames, je vous dis. Ce sont des grandes dames que peint Edmond Lacoste. Et il vous traite les Juifs, ah, dames, comme on les traite en Russie. Ventre Saint-Gris, des parchemins, comme pour notre invitation. Ou peint un tube de couleur. D'ailleurs, gentil garçon, aimable et du talent, voilà. Guillemard, qui détaillait Edmond Lacoste tandis que le cousin Louis parlait, dit à Raymond, tu ne l'oublieras pas, monsieur Lacoste, si nous n'avons pas eu de dessin de lui. Ce n'est pas une raison pour ne point lui envoyer une invitation. Tu comprends, fit Raymond, souriante. Décidément, c'était un original, le cousin Louis. Que lui importait le peintre des dames et que lui faisait une invitation envoyée à Lacoste, l'adresse fut-elle écrite par les jolis doigts roses de la petite Raymond. Il s'en moquait bien de Lacoste. Et pourtant, le sourire de cousinette lui donna sur les nerfs, comme cela, brusquement. Sans qu'il s'en rendît compte. Il jeta sur Edmond, qui paradait là-bas, un regard de travers, très rapide, lui qui, de sa vie, ne se fut même pas retourné pour regarder Lacoste, ni personne. Mais aussi, pourquoi Raymond avait-elle dit à son père ce « tu comprends, là ?» Louis en revint vite à la fameuse crémaillère, peut-être pour faire diversion à sa pensée, même à son irritation sans cause. « Vous avez raison de donner votre fête si ça vous amuse. » dit-il. « Seulement, vous savez, il faudra boiter si vous ne voulez pas que la mort de l'oncle Ducret vienne vous surprendre. »« L'oncle Ducret ?» dit Guillemard. « Il y a 20 ans qu'il est mourant. Raison de plus pour qu'il finisse un jour par mourir. Encore un vivant ou survivant exemple de l'inutilité des millions en ce monde. Il en est bourré, l'oncle Ducret. À quoi cela l'avance-t-il ? À collectionner les plus beaux bibelots de Paris, dit Raymond. Et à faire des opérations de bourse étonnantes, du fond de son fauteuil de moribond, ajouta Guillemard. Argent spéculateur, dit Louis Ribert. Un type, l'oncle Ducret. Guillemard eut le hochement de tête respectueux de l'homme d'argent vers le placé, et dit d'un ton sérieux en parlant de l'oncle Ducret. Un magot qui en laissera un autre, et conséquent celui-là. Et à qui le laissera-t-il ? Peut-être à Mélie Brunet, sa gouvernante, dit Guillemard. Peut-être à Raymond, peut-être à André, peut-être à moi, peut-être à personne, le vieux fou. Oui, braque tout au moins, s'il avait du nez, il donnerait tout à Victor. Et je ne lui en voudrais pas, Dieu sait. Je n'ai pas besoin de son argent pour faire figure. Geneviève, toujours pensive, avait eu un éclair dans ses yeux noirs lorsque le banquier avait parlé de cet héritage, ce gros héritage, pouvant tomber là, tout à coup, dans le logis de Victor Ribert. Et c'était possible pourtant. L'oncle Ducret était si riche. « Tout à Victor, » dit Louis Ribert. « Cette conclusion ne me serait pas désagréable. Je n'attends rien de l'oncle Ducret. Et compter sur les héritages, c'est espérer que les brouillards de la lune se changeront en plus d'argent. S'il veut me donner ma part à Victor, il fera bien. Mais mon avis est que le vieux Toquet donnera ça à je ne sais qui, au premier ou au dernier venu, car il n'a jamais eu la bosse de la famille. » « Je ne sais jamais au juste, moi, » dit Raymond, « comment et à quel degré nous sommes parents avec lui. » Guillemard haussa les épaules. « C'est pourtant bien simple, et je te l'ai dit 100 fois. L'oncle Ducret a eu 2 sœurs, n'est-ce pas ? Germaine Ducret, morte vieille fille, dont il a hérité, et Virginie Ducret, ta grand-maman, qui a eu, elle, 3 filles. Amélie Ducret, l'aînée, la mère de Louis, ici présent, Louise Ducret, femme Guillemard, ta mère. Marguerite Ducret, la mère d'André, première femme du cousin Victor. Ajoute que les Ribert, de Bordeaux, étaient déjà cousins avant le mariage des 2 demoiselles Ducret avec le père de ton cousin Louis et le père de ta cousine André. Et tu n'as pas besoin de compter sur tes doigts pour ça. Tu verras qu'en résumé, nous sommes à peu près tous parents, Guillemard ou Ribert, à un égal degré. De l'oncle Sylvain, Sylvain Ducret, propriétaire, comme il aime à s'appeler lui-même. As-tu compris ? Vaguement, dit Raymond. J'ai toujours envie de faire un tableau synoptique, comme lorsque Miss Maud s'obstinait à m'apprendre l'état de l'Europe au traité de Westphalie. 1648, dit Miss Maud Barker froidement, comme si l'on eût pressé sur un ressort. Et quand je pense que l'oncle Ducret, dans les 77 ans qu'il a vécu, n'a fait de bien à personne qu'à lui-même. « Et encore, » dit Louis Ribert, « où la fortune va-t-elle se nicher ? Dans les cœurs de roche, comme le roi des airs, ce qui ne veut pas dire que tous les millionnaires soient des aigles. »« Merci, » fit Guillemard en riant, comme d'habitude. Il avait achevé son café. « Allons, » dit-il, « il faut que j'aille à la bourse. » Il regarda son chronomètre, posé dans sa main grasse comme dans un écrin mou. « Ah !» « Quel plaisir j'aurais eu à faire un tour avec vous à la sculpture, ma chère cousine, » dit-il à Geneviève. « Mais je n'ai personne pour me remplacer là-bas. »« Alors tu vas partir comme ça ?» dit Louis Ribert. « Eh bien, tu pourras te vanter d'avoir joliment vu le salon. Tu n'auras même pas franchi le tourniquet. »« Je ferai comme pour les balais. Je lirai le livret et les comptes rendus, » dit Guillemard. « D'ailleurs, je reviendrai. Et puisque tu n'exposes pas... »« Oh oh, des galanteries avec moi !» fit Louis. Guillemard fit claquer ses doigts et dit avec un regret « Ah, si Quarantin n'était pas mort !» Raymond regardait sa cousine Geneviève d'un air ennuyé comme pour dire « Allons, bien, voilà encore papa qui va recommencer l'histoire de Quarantin. » Un ancien ami des journées dures, intéressé par Guillemard dans la maison de la rue Thébou et qu'une apoplexie avait couché brusquement une après-midi sur son livre de caisse. Avec 40 ans, je pouvais laisser la maison ouverte. Il savait 1 sou près le chiffre de ma fortune, et je n'ai pas changé une lettre d'un des mots de mes coffres-forts sans l'en avertir. Nous avons été commis ensemble, chez Malézieux et compagnie, quand papa Guillemard avait voulu, hors de chez lui, me faire apprendre le commerce. Ce brave 40 ans. On ne retrouve pas des dévouements comme celui-là. « Ah, si j'avais un petit bonhomme comme votre Giraud, » dit le banquier en s'adressant à Geneviève, « je le dresserais. » « Olivier Giraud ?» dit Madame Ribert, un peu étonnée. Les deux jeunes filles, à la fois, avaient regardé, et Guillemard et Geneviève et Louis les avaient sentis vaguement remués par ce nom, jeté là, tout à coup, par le financier qui faisait l'éloge du jeune homme comme un général qui a deviné un soldat d'élite. « C'est une perle, ce garçon-là, » dit Guillemard. « Travailleur, intelligent, honnête, ce qui ne gâte rien, » dit-il en regardant Ribert du ton dont il se fut excusé. « Oui, » dit Geneviève, « mais je trouve vraiment que Victor est, comment dire, trop paternel avec Monsieur Olivier. »« Papa ?» fit vivement André, silencieuse d'ordinaire. « Mais il traite Monsieur Giraud comme Monsieur Giraud le mérite. Ce n'est pas un employé, c'est le dévouement incarné. » « Un peu familier, » répondit Madame Ribert. Louis observait, évidemment intéressé. « Tiens, tiens, tiens, » songeait-il, les yeux sur le beau visage calme d'André. « Trop familier, » disait la jeune fille à sa belle-mère. « Oui, à mon sens, jamais un visiteur, un étranger, un client, pourrait-il se douter que ce garçon qu'il saluerait là est précisément le petit-fils du jardinier de l'oncle Ducret dont vous parliez ?»« Eh bien ?» fit André simplement. Raymonde, que le nom d'Olivier Giraud rendait un peu plus rose tout à l'heure, sa peau fine colorée comme une azalée, avait paru légèrement dépitée lorsque Madame Ribert parlait, d'un ton de pitié blessante, des origines de ce jeune homme. Mais l'élan d'André l'emporta et, plus vivement que sa cousine, elle répéta cette « Eh bien ?» en regardant Geneviève. « Eh bien ?» dit à son tour le cousin Louis. « Je ne sais pas ce que pourrait penser ou dire le client ou étranger en question, mais je sais que ce brave Olivier, que j'aime tout plein, est travailleur comme un cheval, instruit comme nous tous ensemble, mille pardons, Miss Maud, qu'il parle l'anglais comme vous, justement, ma chère demoiselle Barker, espagnol comme un castillan, etc., etc. Que le cousin Victor l'a pris très jeune dans ses bureaux, le jeune homme ayant besoin de gagner de l'argent pour sa mère, morte depuis. » Je sais qu'il a donné le pain quotidien avec le plus de confiture possible à la bonne femme pour ses vieux jours. Je suis persuadé que Victor lui doit des services réels et qu'il vous est sincèrement dévoué, cousine Geneviève. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je l'estime et je l'aime autant que Victor peut l'estimer et l'aimer. Et en apprenant ça, votre visiteur, votre client, le rastaquaire quelconque dont vous parlez, serait un pauvre gentilhomme s'il refusait son salut à Olivier Giraud. Là-dessus, je suis de l'avis de Guillemard. Il faut lever la séance. Est-ce votre avis, jeune fille ? Il riait, ce diable de Louis. Mais il eut encore bien plus envie de rire lorsque, d'un même mouvement spontané, les deux cousines, toutes joyeuses, lui tendirent la main à la fois. Ensemble, la blonde et la petite rousse, avec le même sourire sur le visage. Et il y avait, sembla-t-il au peintre, le même tremblement dans chacune de ses jolies petites mains qu'il garda un moment, sondant les yeux noirs et les yeux bleus et se disant encore « Tiens, tiens, tiens ». Elle le remerciait bien vivement d'avoir ainsi défendu cet honnête garçon d'Olivier. « Partons, » dit Guillemard. Là-bas, Edmond Lacoste, le peintre des dames, s'est élevé, attendant avant de prendre son chapeau que Mademoiselle Guillemard le vit debout dans toute l'élégance de son veston qui collait à son torse comme un pourpoint. Mais Louis parlait d'Olivier Giraud à ce moment même, et ni André ni Raymonde ne regardaient. Au bout d'un moment, Lacoste était parti, saluant ailleurs. « Allons-nous rentrer au salon, même au jardin ?» demanda à Madame Ribert. « Il fait si beau. » Elle regardait le ciel d'un bleu doux où riait le soleil. « Faites une chose bien simple, » dit Guillemard. « Prenez mon landau, ma chère Geneviève, et menez Raymonde au bois. »« C'est une idée, » s'écria Cousinette. « Et toi, papa ? » ?»« Je prendrai un fiacre. » »« Allons. » « C'est convenu. Au revoir, cousine. » Il tendait à Geneviève sa main grasse, et Madame Ribert y laissa tomber la sienne, baissant un moment les paupières sous l'œil gris du financier, debout dans sa carrure. « Et mes amitiés à Victor ?» Geneviève sourit, regarda alors Guillemard en face. Louis réglait la note avec le garçon qui le remercia avec une effusion sentant la tirelire pleine. « Mais c'est moi qui paye, » dit Émile. « Pardon, pardon, j'avais invité. » fit le peintre. « Tu me rendras ça rue d'Offémont, à la crémaillère. » Geneviève s'était tournée vers le peintre, tandis que Guillemard, pressé déjà, s'enfuyait, s'ouvrant, comme un boulet dans un tas humain, un passage à travers les tables. « Vous venez avec nous ?» dit la jeune femme au peintre. « Non, merci. Je remonte chez moi. J'ai mon jardin à soigner. » Les jeunes filles riaient. « Parfaitement. Ah, si vous me voyez, dans une heure d'ici, là-haut, rue Torlac. Je n'ai pas l'air d'un gommeux, ça manque de chic, la rue Torlac. Mais de mon jardin, je vois un tas de choses. Un décor de féerie, jusqu'au moulin de Sannois, là-bas, au diable. Et Paris, des coupoles, des croix dorées. Un horizon étonnant. Et une liberté de marin qui ne craint pas les visites à son bord. Voilà. Quand vous voudrez faire le voyage, je ferai une exception pour vous et je vous montrerai mes bibelots. Vous ne venez pas rue Torlac en landau ? Merci, cousin, répondit Raymond. Il regarda comme pour l'emporter avec lui, par le souvenir qui avait, dès longtemps, inventé la photographie, la petite tête blonde de la jeune fille, où une perle, au bout de l'oreille rose, semblait, à côté de la peau lactée des joues, une gouttelette blanche. « Tu aimes mieux le bois de Boulogne, petite cousine ?»« Je te crois, » fit Raymond gaiement. « Tant pis pour toi. » « Il faut qu'une fleur soit à la mode pour qu'elle te plaise. »« Moi, je suis de mon temps, » dit-elle en riant. Devant le restaurant, après quelques pas sous les marronniers au ras de l'allée, elle aperçut le landau à qui Guillemard sans doute venait de faire signe de se placer là. « Ah, voici Julien, » dit-elle en montrant le cocher. « Alors, Louis, adieu, décidément. À bientôt. » Il salua Geneviève, donna la main à André, qui la serra plus nerveusement que de coutume, comme si la jeune fille eût voulu le remercier encore d'avoir défendu Olivier Giraud. Puis, se tournant vers la jolie Raymonde, dont les yeux bleus se moquaient de lui, « Au revoir, cocodette. Au revoir, sauvage. » Et lui fit, de sa bouche rose, une petite grimace gentille qui l'emporta avec le reste, avec cette impression de joie, de jeunesse, de folie et de printemps que lui donnait tous les ans le vernissage du premier jour de mai, et qu'il n'avait peut-être jamais trouvé aussi charmante et aussi vive que cette fois, sous cette véranda où le soleil dorait, dorait les cheveux roux de cousinette.